Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, c'est Mathieu. Vous l'avez sans doute remarqué, il y a un nouveau générique et un petit fond sonore pour accompagner ma voix. Il y aura même un nouveau générique de fin. Et c'est Léa qui a créé tout ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre pour les petites histoires. Vous avez été des centaines à répondre à mes questions au début du mois, où je vous demandais si vous aviez envie que l'on imagine des histoires ensemble. Et à une écrasante majorité, 90%, vous vous rendez compte ? Vous m'avez répondu oui, en me disant vouloir choisir les ingrédients de l'histoire et participer à sa fabrication. Alors, voilà ce que l'on va faire dès le mois de mars. Chaque mardi, on va construire des histoires ensemble. Et le premier jeudi du mois suivant, vous pourrez découvrir notre histoire racontée par Karine et Arnaud et mise en musique par Léa. Et ce n'est pas tout. L'épisode sera accompagné d'une dédicace spéciale pour toutes celles et ceux qui auront participé. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, le 2 mars, pour un épisode spécial où je vous expliquerai comment tout ça va se passer et où vous pourrez choisir tous les ingrédients de notre première histoire. Bon, si on construit des histoires le mardi, ça veut dire qu'Arthur ne va plus vous raconter de légendes. Mais mon petit doigt me dit qu'il reviendra pour une grande aventure. Vous savez maintenant ce que l'on va faire le mardi. Pour le jeudi, ça ne change pas. Vous aurez toujours le droit à une nouvelle petite histoire. Et ce mois-ci, vous en aurez 4. Jeudi prochain, vous pourrez écouter Grismine et Tête en bas. Une histoire que j'ai écrite sur une idée de Thomas. Elle raconte l'histoire de Léopold, qui va se lancer dans une grande enquête pour retrouver son chat. Ce qui va l'amener à faire une découverte qui fait froid dans le dos. Le jeudi d'après, il y aura Problème de déguisement, la nouvelle histoire de Cécile. Dans l'école de Tito, la photo de classe, c'est déguisé ou rien. Et Tito et ses copains ont une tradition, choisir le même thème pour leur déguisement. Mais cette année, Tito a une envie qui ne va pas du tout leur plaire. Ensuite, vous pourrez écouter une nouvelle version du Mangeur de mauvaise humeur, l'une de mes premières histoires. Je l'avais écrite en pensant au fils d'une amie, et j'avais imaginé qu'il avait un incroyable pouvoir. Celui de voir la vraie couleur des gens, celle de leurs émotions. On terminera les petites histoires de mars avec une nouvelle histoire de Thomas, qui s'intitule « Une bulle de tranquillité ». Vous ferez la connaissance de Léana, une jeune fille qui a du mal à gérer ses émotions à cause de ce qu'elle appelle sa boule de noirceur. Voilà pour le programme. Le mois de mars va être fou. J'ai trop hâte de construire des histoires avec vous. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous dis à mardi prochain pour choisir les ingrédients de notre première histoire.